turbulence et effervescence. La lumière de ce matin de printemps me rappelle un autre, 20 ans plus tôt. Je passe alors mes journées à dévorer mon bébé Charlotte des yeux, l'embrasser, l'écouter, la nourrir, la promener, la prendre en photo. Quand elle est dans mes bras, je mets mon nez dans le pli de son cou et je respire sa bonne odeur de bébé au lait. Je caresse le petit duvet qui annonce ses cheveux, si doux sous mes doigts. Je grave dans ma mémoire pour l'éternité chacun de ses mouvements, de ses sourires, chacune de ses postures gracieuses. Mes mains se souviennent des câlins qu'elle me laisse lui donner. Je dis donner, mais en fait c'est moi qui subtilise sa douceur contre un peu de tendresse. Je sursaute à la moindre toux, deviens malade au plus petit signe de rhume, et pleure toutes les larmes de mon corps si d'aventure je dois me séparer d'elle le temps d'un week-end, contrainte de divorce oblige. Je suis prête à toutes les bassesses pour la garder à mes côtés. Aujourd'hui encore, il suffit que je ferme les yeux pour revoir son sourire canaille, et mes oreilles résonnent de son gazouillis, comme un ruisseau qui n'arrête jamais de couler. Oui, définitivement, je préserve, bien au chaud au fond de mon cœur, l'empreinte de ces jolis mois précédents, le bonheur d'être quatre. La vie n'est pas simple pourtant, elle est motif d'inquiétude assez récurrent. Mon divorce en route, la maladie de Jean-Paul de plus en plus intrusive, notre avenir incertain. Mais nous sommes, à l'aube de notre union recomposée, si pleins d'enthousiasme et de confiance que déplacer le cervin semble facile. Sans savoir précisément où nous allons, nous savons à peu près ce que nous voulons, et nous nous dirigeons en conséquence en naviguant à vue. Dans la moisson des anecdotes de cette époque, cette petite annonce que j'ai placée dans le journal local et qui dit « Jeune maman fauchée accepte volontiers tous vos restes de laine et de tissu ». En réponse, nous sommes littéralement submergés de cadeaux. Des sacs entiers de pelotes de toutes les couleurs, des bouts de tissu en suffisance pour vêtir 3 générations, et même 2 ou 3 garde-robes complètes pour enfants de 0 à 6 ans. Et cette dame qui me fait parvenir, accompagnant quelques pelotes de laine, un billet de 50 francs pour le coiffeur. Elle a juste mis son patronyme sur le paquet, avec le nom de son village. Et quand je vais la remercier, impossible de la retrouver. Ils ont tous le même nom dans ce fichu patelin. Dès lors que j'attends notre enfant, s'impose le besoin d'un logement plus grand. Nous avons tellement envie d'expérimenter avec nos 2 petits quelque chose de différent que nous sommes particulièrement attentifs quant au choix de notre futur nid. Nous gardons en mémoire nos passionnantes aventures dans les campagnes de nos enfances et sommes impatients de les partager. Il y aura beaucoup de verdure, un grand jardin, des arbres pour y grimper, un ruisseau pour construire des barrages, un potager pour regarder pousser les salades et voir courir les limaces. Toutes ces promesses d'un bonheur absolu. Nous évaluons les possibilités environnantes et, au terme d'interminables palabres, nous décidons d'aller vivre dans les Préalpes. Il nous faut un endroit tranquille, loin des influences néfastes et des tentations des marchands du temple. La vie dont nous rêvons implique un changement d'habitude radical. Nous savons que nous mettrons 2 ou 3 ans à trouver l'équilibre qui nous convient. La belle affaire. Nous n'avons pas peur de retrousser nos manches. Nous commençons par acquérir une auto un peu plus adaptée à la moyenne montagne. Il nous faut 4 roues motrices pour pédaler dans la neige. Très vite, nous trouvons un petit bus parfaitement adéquat dans lequel nous parcourons la région en long, en large et en travers pour trouver le « ça me suffit » de nos rêves. Après des kilomètres d'exploration, de Villars à Bretagne, de Gstaad à Châteaudet, de Lézin à Vers-l'Église, nous nous décidons pour le minuscule village de la Forclaz, un hameau situé sur la route qui mène au lac des Chavonnes. La Forclaz, ce petit village rebelle qui fit parler de lui autrefois parce qu'il avait refusé de se soumettre à l'heure d'été, privilégiant le bien-être de son bétail plutôt que les intérêts de l'État. L'état d'esprit nous plaît bien. Il y a un hôtel épicerie, une poste et une petite église pour 60 de familles établies à l'année. Pendant les vacances d'hiver ou d'été, quelques citadins viennent occuper les chalets hérités de leurs parents. Contrairement à Lézin, situé juste en face, il y a très peu d'activités touristiques par ici. Nous craquons pour un premier chalet. juste en face de l'église, mais ils n'ont pas sous le nez. Nous ne changerons pas d'avis pour autant. Ce sera dans ce village et pas ailleurs. Nous visitons de nombreux logis dans les environs immédiats, dont certains très particuliers. Comme celui qui ressemble à un bateau au sépet, chaque pièce étant une cabine exiguë. Tout se passe dans l'immense pièce à vivre, semble-t-il, et, cerise sur le gâteau, il y a une piscine au sous-sol. Hélas, ce navire est amarré entre deux précipices. Et l'endroit est bien trop dangereux pour nos futures têtes brûlées. Nous visitons, à la Forclaz cette fois, cet autre chalet extraordinaire, celui d'Émile, le menuisier, et de sa femme Henriette, dont nous faisons la connaissance à cette occasion. Véritable chef-d'œuvre de menuiserie, avec ses sculptures élaborées, ses pavillons et loyers à l'avenant. Insupportable pour notre maigre bourse. Mais surtout, ne nous décourageons pas. Un autre jour, alors que je m'offre tranquillement une petite déprime, arrosant de mes larmes la table et le lino de la cuisine, il revient, mon Jeannot, avec dans les mains une annonce déchirée dans le journal local. Chalet ancien à vendre, 300 000 francs, ou location à l'année, 12 000 francs. Photo à l'appui. Nous le connaissons bien, celui-là. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois devant, tant nous le trouvions joli avec ses balcons fleuris. Nous savons où il est, et ni une ni deux nous montons l'examiner, au moins de l'extérieur. Les deux mains autour des yeux collées à la vitre, nous guignons ce que nous pouvons. Tout paraît génial. Sera-t-il pour nous? C'est peu probable, puisqu'il est d'abord à vendre. Cela ne nous empêchera pas de participer à la journée portes ouvertes, organisée quelques jours plus tard, histoire d'avoir au moins vu l'intérieur en détail. Nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps pour nous rendre compte que c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous clamons notre intérêt haut et fort pour la location, puis nous rentrons chez nous attendre la réponse. Nous ne nous faisons aucune illusion, elle sera sûrement négative. Qui résisterait à l'achat d'une telle merveille? Les acheteurs vont se bousculer, c'est sûr. Nous sommes loin d'être les seuls sur les rangs, et ils ont beau pleurer le contraire, il reste des gens friqués dans ce pays. Pourtant, un samedi matin d'octobre, alors que déjà nous nous étions résignés à continuer les recherches, le téléphone sonne. « Bonjour, monsieur Schwab. Écoutez, finalement, devant les caprices de tous les autres, nous avons décidé qu'il serait pour vous ce chalet. » Quelques secondes plus tard, le temps de sauter dans nos pantalons, nos chaussures et la voiture, nous partons faire le tour du proprio. Nous sommes aux anges. Ce chalet sera le lieu de nos premières racines. Nous y élèverons nos enfants, nous y ferons des beaux tableaux, nous remplirons de rires, de musique et de bonnes odeurs. Nous travaillerons d'arrache-pied pour le rendre salubre, beau et confortable. Nous transformerons la cave, referons presque entièrement la cuisine, dallerons le parking, creuserons une nouvelle fontaine dans le vieux mélèze, créerons un potager et mettrons des fleurs partout. Nous y serons bien. Nous y serons heureux.